اطلب العلم اذا بلغنا هذا الدين على كتاب الله وسنه رسول الله ورجعنا الى اقوال العلماء دائما اطلب العلم فهذا شيء مطلوب ان شاء الله. اطلب العلم اخي فهو درب به نوم به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. لكومبانيون comme Abu Bakr, comme Omar, comme Uthman, comme Ali ont divergé et ne se sont pas divisés. Voilà ici la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Être une sunna ambulante, pas une innovation ambulante. Et Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-Mustafa wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim amma ba'd. On va clôturer ce séminaire avec cette traduction de l'intervention du Cheikh Docteur ici Ali Shibli Hafidhahullah Ta'ala, qui est professeur en Aqida ici à l'université Riyad, et ici il a fait une intervention, c'est la deuxième intervention ici qui a été faite et qui sera accompagnée inshallah Ta'ala d'une traduction. La première c'était avec Al-Allama qui fait partie de Kibar Al-Ulama et du comité permanent des savants d'Arabie Saoudite, qui est Abdullah Al-Mutlaq Hafidhahullah Ta'ala. Et ici, on va traduire cette deuxième intervention et on va clôturer aussi avec ce que je vous avais dit, donner une petite liste de livres en arabe et en français concernant ici les livres qui sont recommandés pour celui qui veut avancer dans l'ilm shar'i, dans la science légiférée, inshallah ta'ala. Je vais vous donner cette liste ici de livres arabes et français à qui serait bien de vous procurer pour ceux qui veulent faire des recherches au fur et à mesure et dans leur avancée dans l'apprentissage de la science inshallah ta'ala. Awalan, le cheikh hafidhahullah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, il a salué les frères et les sœurs qui étaient présents et ensuite il a rappelé ici des points essentiels qui tournent autour des bienséances, al-adab, les règles de politesse concernant celui qui apprend, celui qui enseigne, celui qui recherche la science religieuse, al-ilm shar'i. Et il dit, sachez que la science religieuse, on parle bien sûr de l'ilm shar'i, est la plus grande chose qui fait rapprocher le serviteur de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et ici, par celle-ci, où c'est la chose, ou une des choses les plus grandes par laquelle le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par celle-ci, il connaît, c'est-à-dire à travers la science religieuse, il apprend à connaître les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, et les droits des gens sur lui. Et cela lui facilite ici le chemin au paradis. Et il rappelle le hadith rapporté par Muslim où le prophète alayhi afdalus salati wa as-taslima dit man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Celui qui emprunte un chemin ici ou pour acquérir une science religieuse, Allah jalla wa ala, par la cause de ce chemin qu'il a emprunté, lui facilite un chemin vers le paradis. Et la science, il dit, mes chers frères, a des bienséances, a des règles de politesse. Et l'étudiant ne peut l'acquérir sans acquérir ces règles de politesse et ces règles de bienséance. Il dit que la science a des règles de politesse et des règles de bienséance. Et l'étudiant ne peut l'acquérir, c'est-à-dire cette science religieuse bénéfique, sans acquérir ces règles de bienséance, ces règles de politesse. Il dit, la science sans bienséance, ou sans règles de politesse, ou sans politesse, sans comportement, ici, cette science-là ne sera pas profitable pour celui qui l'aura acquérie. Et les gens n'en profiteront pas aussi. Et il dit ainsi, le fait d'avoir un comportement, des règles de bienséance, de politesse, mais sans science, ici, ça ne sera pas profitable pour lui et les gens ne pourront pas profiter. Donc il montre l'importance d'avoir des règles de bienséance et d'avoir une science ici pour que celle-ci soit bénéfique. Et il dit, وَتُلَاحِظُ, vous remarquez qu'à notre époque, beaucoup prétendent avoir et détenir la science, mais leur mauvais comportement et leur manque de bienséance avec cette science-là, face à cette science-là, ici, et les gens de science, leur mauvais comportement et leur manque de bienséance face à cette science-là et les gens de science, ici, qu'on retrouve à travers leurs propos et à travers leur langue, prouvent qu'il leur manque ici une chose importante et une grande chose dans leur science. Et ici, il rappelle certaines règles ou certaines règles de bienséance à suivre face à cette science-là et dans le cheminement vers la science al-ilm al-shar'i. Et il dit en premier lieu, un, il nous est demandé, c'est ce qui fait partie des règles de bienséance face à cette science religieuse, al-ikhlas, la sincérité. Et il dit, on n'apprend pas la science et on ne prend pas ce chemin pour recevoir des éloges, pour que les gens nous glorifient, mais on apprend cette science et on prend ce chemin pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Certes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Et il rappelle le verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا. Et cependant, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah Azza wa Jal, seul l'unique, en lui vouant un culte exclusif. Donc il dit awalan al-ikhlas, thaniyan, en deuxième lieu. Il dit qu'ils agissent avec le comportement et la moralité du prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim. Quand ils prennent ce chemin de la science, quand ils apprennent cette science-là, ila akhiri. Et ainsi sa science sera bénie et son minhaj sera authentique, il sera sahih. Quand il aura utilisé, il aura agi avec le comportement et la moralité et les bienséances du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça c'est sa deuxième recommandation. Et il dit la troisième règle de bienséance face à cette science-là, c'est de suivre la voie des pieux prédécesseurs as-salaf as-salih. Loin de quoi ici de du sectarisme et loin de les qila wa qal, les on dit, et loin du fait de se préoccuper de fulan ou bien de allan, c'est-à-dire une expression qui est utilisée pour dire d'un tel ou d'un tel, de celui-là ou d'un tel. Donc ici, et il dit, mais il doit plutôt s'accrocher au comportement des pieux prédécesseurs dans la science et revenir au comportement qu'avait Salaf al-Salih ici dans la science et la recherche de la science. Et il doit ne pas s'accrocher avec fanatisme à la parole d'une personne ou bien d'un madhab ou bien d'une école particulière ou bien d'un savant particulier en ne voyant la science qu'en lui. Donc ici, entre parenthèses, c'est moi qui interviens, il parle du ici suivi aveugle, d'accord? Donc ici, il dit qu'il ne faut pas s'accrocher avec fanatisme à la parole d'une personne ou d'une école particulière ou bien un savant particulier en ne voyant la science qu'en lui. Et ici, il se sépare de ceux qui le contredisent, c'est-à-dire ces gens-là, ils se séparent automatiquement à partir du moment où une personne contredit ce savant ou cette école qui suit aveuglement, particulièrement ou plus précisément une seule personne ou cette école ou ce savant. Clair? Et ça, il dit, à ce moment-là, il a contredit la voix du prophète alayhi salatu wassalam et des pieux prédécesseurs. Et le fait de s'attarder sur des paroles futiles, cela, c'est la voix de Ahlul Ahwa, c'est-à-dire Ahlul Bida'. Et cette voix-là contredit la voix des pieux prédécesseurs. Quatrièmement, il dit, une quatrième règle de bienséance, c'est le fait de patienter. Et patienter dans l'acquisition de la science. Et patienter face aux préjudices, aux maux qui vont te toucher quand tu vas être dans ce chemin qui est le chemin de la recherche de la science. Et il dit que la patience, as-sabru ibadah, c'est un acte d'adoration, c'est une adoration. As-sabru ibadah, c'est une adoration. Et c'est une chose impérative pour celui qui veut avancer et rechercher la science. Et ça a un grand mérite. Et Allah Jalla wa Ala en a parlé dans le Coran al-Karim, et il cite le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuha alladhina amanu sabiru wa sabiru. Ô vous les croyants, patientez et enjoignez-vous la patience wa rabitu wa taqullah. Et ici il dit la science est une adoration longue qui te sera bénéfique inshallah ta'ala même après ta mort. Et c'est ce qu'on appelle al-ilm an-nafi', la science profitable. Cinquième des bienséances, il rappelle que la personne qui acquiert cette science-là, il se doit de se comporter bien avec le cheikh ou le professeur de qui il profite de sa science, de qui il puise sa science, c'est-à-dire celui qui lui explique ce que lui-même, ici, n'arrive pas à comprendre ou ce qui est trop dur à comprendre par lui-même. Donc, la personne qui lui enseigne et qui lui permet de comprendre les choses, il se doit de bien se comporter avec lui et il se doit de respecter les règles de bienséance envers lui. Et il dit que ce shir doit être une personne qui prend la science de Al-Kibar, de Al-Ulama et qui revient aux gens de science. Et ici, il dit, on ne peut prendre la science de toute personne qui prétend être une personne de science, parce que si on prend la science de toute personne qui prétend être une personne de science, bien sûr, ici, sans vérifier, donc à ce moment-là, il va tomber dans la voie de Ahlul Ahwa wa Ahlul Bida. Et on en a parlé longuement, parenthèse, c'est moi qui interviens, sur Ahlul Ahwa et Ahlul Bida. Wadih. Sixièmement, il dit parmi les règles de bienséance, respecter les étapes. C'est une chose importante, c'est de respecter les étapes dans la science et de ne pas se précipiter dans l'apprentissage de la science sans respecter les étapes. Et il dit, par exemple, de celui qui veut apprendre vraiment la science et avoir une science bénéfique, ilmun nafi', al-ilmun nafi', ou bien on dit ilmun nafi'. Donc ici, il dit, il ne doit pas prendre les branches avant de prendre et traiter les fondements. Clair, celui-là ne va pas acquérir une science bénéfique, mais celui-là va acquérir des informations. Entre parenthèses, on en a parlé longuement sur ces étapes-là. C'est-à-dire le fait de prendre simplement les branches, ou simplement des avis juridiques, ou simplement ce qui est apparent. Il dit celui-là, c'est une personne qui va prendre des informations. Mais tant qu'il n'aura pas pris la science à la base, s'il veut prétendre avoir de la science et avoir une science bénéfique, profitable, tant qu'il ne l'a pas pris la science dans les fondements, à la base, il aura des informations, mais il n'aura pas une science dont il profitera comme il se doit, mais il va profiter plutôt des divergences qui ne lui profiteront pas. Parole très importante. Mais il va profiter plutôt des divergences qui ne lui profiteront pas. Mais les gens de la sunna, le sunnati wal jama'a, et les savants de Al-Sunnati wal-Jama'a prennent la science des Al-Ulama et des étudiants en science qui agissent ainsi et qui ont toujours agi ainsi, de cette manière-là. Septième bienséance ou recommandation, qu'il est bon ou qu'il ait une bonne opinion de ses frères qui enseignent ou de ses frères en général croyants, de ses frères musulmans croyants. Et il dit, tel est le comportement de l'étudiant en science. Il vit toujours avec une bonne opinion, ce qu'on appelle husnul dhann. Et il cite le verset coranique où Allah Jalla wa Ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katheeran min adh-dhann inna ba'd adh-dhanni ithm. Où Allah Jalla wa Ala, ici il nous ordonne d'éviter, donc ijtanibu katheeran min adh-dhann, éviter trop de conjecturer, avec une traduction approximative, d'accord. Et ici il nous rappelle qu'on doit s'éloigner des mauvaises opinions. Et il dit l'étudiant en science et les croyants doivent avoir la bonne opinion de leurs frères de façon générale et avoir la bonne opinion de ceux qui enseignent la religion et ne pas les accuser de sectarisme ou de les toucher dans leur honneur. Et ici, il rappelle le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, comme a fait Sahih, où il dit, le prophète alayhi salatu wassalam a parlé des gens qui viendront au jour de la résurrection avec plusieurs actions. Mais par contre, ici, il aura frappé un tel, il aura accusé celui-là, un tel, il aura touché à l'honneur d'un tel, il aura pris les biens d'un tel, il aura versé le sang d'un tel, jusqu'à ce qu'il soit pris de ses hasanat. Donc ici, pour être donné en contrepartie du mal qu'il a fait à ces gens-là, pourtant il est venu à la base avec beaucoup de bonnes actions, à ces gens-là, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de hasanat. À ce moment-là, le prophète A.S. il a dit, on va prendre de leur sayyi'at, de leurs mauvaises actions, de leurs péchés à ceux-là, et lui il sera obligé de s'en charger de les prendre jusqu'à ce que, wal'ayyadu billah, il sera jeté en enfer. Et parmi les recommandations ici qu'il donne, ou plutôt il cite parmi les bienséances dans l'apprentissage de la science, dans la recherche de la science, huitièmement, il dit le fait de mettre en application cette science-là. Et il dit, la sunna quand tu l'apprends, elle reste en l'appliquant. La sunna quand tu l'apprends, elle reste plus facilement gravée quand tu l'appliques, tu la mets en application. Et ici, il rappelle que ça ne suffit pas aussi que d'apprendre, mais il faut ici aussi appliquer. Et il mentionne ici le verset coranique où Allah Azza wa Jalla il parle de la science, mais de l'application aussi. Quand Allah il dit dans le Coran al-Karim, فَعَلَمْ أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Donc sache qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique, Allah Azza wa Jal, et implore le pardon pour tes péchés ainsi que pour les croyants et les croyantes. Donc là on retrouve ici l'action et on trouve aussi avant cela bien sûr al-ilm, la science. Et il dit l'application de cette science va lui apporter, si tu mets en application cette science, ça va t'apporter al-baraka, la bénédiction, et ça va t'apporter la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ici al-khashya, entre parenthèses j'explique al-khashya comme قال العلماء, c'est la peur accompagnée de science. Et le fait d'appliquer, c'est ce qui va te procurer cette lumière, an-nur, et ici rajouter de la bénédiction. Et il cite le verset coranique où Allah Azza wa Jal dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, ceux qui me craignent le plus parmi mes serviteurs, ce sont les savants, et on parle de khashya, peur accompagnée de al-ilm. La neuvième recommandation qu'il donne, il reparle du bon comportement avec les gens, et il insiste sur ce point-là, et il dit que tu es en face de gens avec qui tu dois te comporter de la meilleure des manières. Et il dit, soit il est ignorant, alors à ce moment-là, tu lui enseignes. Soit il est savant, alors à ce moment-là, tu le respectes. Soit il est pervers, alors à ce moment-là, tu l'aides à se réformer. Ou soit il est égaré, à ce moment-là, tu lui montres le chemin de la guider. Et il ne tombe pas dans les, il répète, qila wa qal, les on dit ou les futilités. Mais il montre comme quoi, ici, tu dois être toujours bénéfique envers les gens. Et il dit, l'étudiant en science transmet avec simplicité, avec douceur, avec Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et les compagnons as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum ont dit. Et il dit, la science, ce n'est pas, la science bénéfique, ce n'est pas de tomber dans le takfir ou bien le tafsir ou bien le tabdi' à chaque fois, de rendre kafir foulain, de rendre pervers foulain, de rendre innovateur foulain, ou d'agir avec dureté ou d'agir avec orgueil. Et il dit aussi la science, ce n'est pas la quantité d'infos que tu emmagasines ou dans l'apprentissage d'un hadith ou d'une ayah. La science bénéfique et complète, ce n'est pas dans ça le fait de, comme il a dit au début, rendre kafir, fasiq, etc. Et aussi, d'emmagasiner, dans le fait simplement d'emmagasiner une quantité d'informations, ou d'emmagasiner ou d'apprendre un verset ou un hadith, mais c'est la science qui est demandée, c'est la science qui va te rapprocher d'Allah, accompagnée de peur et de crainte, et qui va être mise en application. Et à travers cette science, ton but est, bien sûr, il a cité les paroles précédemment qui nous rappellent qu'on doit avoir sincérité, satisfaire Allah Azza wa Jal, et ensuite il rapporte les deux intentions que doit avoir l'étudiant en science et celui qui cherche la science, et il rapporte la parole connue de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala qui dit, quand la personne apprend la science, il doit vouloir avoir ces deux intentions, qu'Allah Jalla wa Ala le débarrasse de sa propre ignorance et que lui, il puisse débarrasser les gens ici de leur ignorance. Voilà les intentions, et bien sûr avant cela, satisfaire Allah. C'est-à-dire, tu as l'intention qu'Allah te débarrasse de ton ignorance, et que ici, Allah et par ta cause, Allah Jalla wa Ala, débarrasse les gens de leur ignorance. Et il termine avec deux conseils rapides, et il a dit que je rappelle aux étudiants en sciences et ceux qui apprennent la religion de ne pas brûler les étapes et de toujours respecter les étapes, et de revenir aux gens de science et aux savants de confiance et de se préoccuper de ses défauts plutôt que de perdre son temps à se préoccuper des défauts des gens. Et ensuite, il invoque Allah Jalla wa Ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui et nous donne une science bénéfique, et il a fait des invocations en ça et en notre faveur. Jazahullahu ana kulla khair walhamdulillahi rabbil alamin. Et ici, comme je vous ai dit, une petite liste rapidement, hein. Donc concernant des livres que je vous recommande, pour clôturer ces brefs interventions lors de ces deux jours, et on a pour Allah Azza wa Jal al-ikhlas wa al-sidqa fil qawli wa al-amal, concernant les livres, donc je vais vous citer quelques livres, hein. Si vous voulez vraiment une liste, on peut citer des centaines et centaines de livres. D'accord? Mais là, on n'est pas en train de dire, parce que j'ai cité ces livres, j'ai pas cité d'autres livres, les autres livres ne sont pas importants. Clair? Moi, je vous dis simplement une chose qui va vous permettre d'avoir une base ou alors un minimum dans votre bibliothèque pour pouvoir ici approfondir vos connaissances, faire de la bonne lecture inshallah ta'ala, apprendre des choses il a akhiré. Mais bien sûr on rappelle, et c'était le but de cette intervention lors de ce séminaire, de rappeler que attention, si tu n'as pas les clés pour comprendre un livre, ne l'ouvre pas le livre, d'accord? Ça ne suffit pas de lire, il faut faire attention. C'est pour ça que les ulama ils disent on prend pas la science des livres, d'accord? Et moi Allah m'en est témoin, quand je dis, je suis pas quelqu'un en train de dire oui j'ouvre des livres et je fais l'interprétation de moi-même. Wallahi wa rabbil ka'ba da'iman alhamdulillah narji'u ila al-ulama. Tout le temps on revient aux gens de science dans leurs explications et la akhir. Donc on dit faire très attention ici par rapport à cela. Lakin, pour, je vous dis des livres qui sont en arabe, après je suis pas sûr s'il y a en français autre, hein. Donc concernant les livres de Aqida, les livres de Aqida, donc les livres de base qui sont extrêmement importants, ici que vous retrouvez en français. Je vous dis les livres que vous retrouvez en français traduit, dont je suis sûr. Hein. Il y a Usul al-Thalatha, et qui sont du même auteur, hein, ce que je veux dire, Kitab al-Tawhid, Kashf al-Shubuhat, ceux-là vous les retrouvez en français, bien que ça sera jamais comme l'arabe, ça c'est clair. Et souvent, attention, il y a beaucoup qui voient des livres traduits en français, et ils disent, ah bah c'est bon, j'ai la traduction, c'est souvent en français. C'est souvent des muhtasar, c'est des résumés qu'ils font. C'est souvent des résumés qu'ils font. Faut pas croire, c'est bon. J'ai Zad ul Ma'ad chez moi, parce qu'il est en français. Ici, ah bah chez moi, Zad, c'est un résumé de Zad ul Ma'ad. Quand vous allez voir beaucoup de livres ici, c'est des résumés qui sont faits en français. D'accord? Mais je dis pas qu'ils sont pas importants, tu peux pas bénéficier, rentrer à l'école en disant tu vas rien apprendre en français. Lis en français. Ici, c'est des livres qui sont souvent bien traduits, et moi je vous conseille. Ici, l'édition Al-Hadith. C'est des frères qu'on connaît personnellement, qu'on a visités, qu'on a vus pendant qu'ils faisaient leur traduction. Alhamdoulilah. On les connaît très bien, alhamdoulilah. Et c'est des gens qui ont fait, et en général, vous allez voir, l'édition Al-Hadith, vous allez voir, en général, c'est les livres, c'est eux qui sortent les livres les plus grandes nouveautés, on va dire, des grands savants, en général. Donc, je vous recommande cette édition Al-Hadith, d'accord, concernant les livres en français. Donc concernant ici, il y a Usul al-Thalatha, et vous avez alhamdoulillah beaucoup de shurouh, beaucoup d'explications. Vous avez les explications de Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Salih Al-Fawzan parmi les contemporains, Ali Cheikh et la akhiri. Kitab al-Tawhid, Kashf al-Shubuhat. Ici je vous recommande aussi les 200 questions-réponses, la croyance du musulman, 200 questions-réponses de Al-Hafidh Al-Hakami, qui est mort à peu près à l'âge de 35 ans et qui est rapporté qu'en un mois il a pris le Coran al-Karim kamil. Et ça c'est Al-Hafidh Al-Hakami qui fait partie des contemporains, un grand savant, et c'est un livre très simple, alhamdoulilah, très accessible et très complet, walillah ilhamd. Donc ça, il est traduit en français, clair, et en arabe, il est traduit en français, et vous allez retrouver des explications, je ne sais pas en français s'il y a de grands savants, mais en arabe, il y a beaucoup de savants qui ont fait l'explication. Il y a Al-Aqida Al-Wasitiyya, qu'on est en train d'expliquer, d'accord, avec plusieurs explications. Il y a Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, min al-mu'asirin. Ça, c'est le livre d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, très connu. Donc ça, c'est concernant les livres de Aqida. Et vous retrouvez un livre, mais celui-là, surtout en arabe, il n'est pas traduit en français. Plusieurs tomes, hein. Ici, Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Donc il parle sur la croyance, il parle sur al-fiqh, il parle sur... Et ça, c'est indispensable. Quelqu'un qui veut avancer dans l'apprentissage de la science est plus approfondi, et faire des recherches, il a les capacités de faire des recherches, revenir sur les paroles des savants, vérifier la akhiri, comme je vous ai donné les références, ça, il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Majmou' al-Fatawa, celui qui prétend avancer dans la science et faire des recherches, il l'a pas, il y a un manque dans sa bibliothèque. Majmou' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah, rahimahullah rahmatan wasi'a, qui est une grande référence ici chez les grands savants al-Kibar. Et il y a plusieurs livres de Aqida, mais déjà, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, vous faire une liste jusqu'à ce que quand vous allez faire le compte il vous faut 1500 euros. Mais je vous dis ensuite, ba'da, si la personne commence avec Kitab al-Tawhid, qui est un livre de référence, et les explications, c'est pas ça qui manque des grands savants, alhamdoulilah, s'il peut rajouter 2, 3, 4 il a akhiré, c'est bien. Mais essayez de vous procurer au moins un à chaque fois, quand je donne une liste sur un sujet, au moins un par sujet ou deux par sujet minimum. Celui qui veut pousser dans la recherche de la science, s'il a pas une bibliothèque, il se dit talib al-ilm, il a pas au moins 500 livres chez lui, c'est, je sais pas où il prend sa science. Ça, je parle pas de quelqu'un qui veut vraiment avancer. On va donner une liste, si vous voulez. C'est vraiment tous les livres indispensables minimum qu'il a chez lui. S'il les a pas, je sais pas d'où il prend sa science, c'est-à-dire d'où il vérifie les informations. Même s'il écoute al-ulama, même quand écoute un charh d'un savant, exemple, al-aqid al-wasitiyya de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, dans le charh, même si t'écoutes tous les audios, il y a tous les auteurs de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala sur le charh. Si même toi tu veux te consacrer que sur lui, que sur ses explications à lui, il te faut aussi l'écrit. Parce que si tu te bases que sur l'écoute, ça peut te tromper quelquefois. Il faut qu'il y a ce livre. Ce livre, il est bien sûr disponible en arabe, en français, je pense pas, mais en arabe. Ala kulli hal. Ça, c'est concernant al-aqida. Concernant, si on passe maintenant al-hadith, concernant les récits prophétiques, etc. Donc, c'est un livre de base. Donc, ala al-aql, ça, même le débutant de chez débutant, il faut qu'il ait. D'accord? Riyadus Salihin, de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Celui qui veut pousser un peu plus, d'accord, je m'adapte à tous les niveaux, hein, vraiment le débutant, il vient de commencer, pousser un peu plus, qui prennent le charh de Sheikh Al-Allama, Mohamed ibn Salih Al-Uthaymi, rahimahullah ta'ala, ama en français, Allahu a'lam la adri, je pense, hein, je ne suis pas penché dessus, bon, moi j'ai le charh en arabe, mais je pense de Sheikh Al-Uthaymi, ce n'est pas un charh complet, hein. Et dans tous les cas, je vous répète, c'est très bénéfique en français, tant que la traduction est bonne, mais ça n'a rien à voir avec l'arabe. Mais je pense qu'en français, ce n'est pas le complet, mais je pense qu'ils ont fait un charh résumé complet, je ne sais pas, mais en tout cas il y a le charh même en français. Celui qui peut se procurer en arabe, bien sûr, c'est mieux. L'explication de Riyad al-Salihin, d'accord, qui est l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, qui a été fait par Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Sahih al-Bukhari wa Muslim. Sahih al-Bukhari wa Muslim. Prenez des éditions, regardez, édition al-Hadith. Ils viennent de terminer ici Sahih Muslim. Ils ont revérifié et ils ont ressorti une édition. Il doit avoir, je sais pas, en français, 4 tomes, je crois, hein. 4 tomes ou 4 livres ou 5 de Sahih Muslim. La traduction, elle est vraiment bonne. Elle a été vérifiée. Rien à voir avec les anciennes versions en français. Je parle en français, hein. Et Al-Bukhari, aussi, il est traduit en français. Clair? Si vous voulez pousser maintenant, bien sûr, ça c'est pour un talib al-ilm, c'est impératif, hein. Ici qu'il est au moins ça. C'est qu'ils prennent, à chaque fois, le livre d'explication. Ala al-aql minimum, hein. C'est livre explication, livre explication, livre explication. Il y a concernant Al-Bukhari, Fathul Bari d'Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'a, qui est très connu. Wadih Fathul Bari, qui est en arabe. C'est plusieurs tomes. Moi, je vous recommande un que j'ai moi, c'est ici le charh de Sahih Al-Bukhari, qui est que en arabe, et c'est le charh de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Il a fait un charh complet. Et ici, pourquoi je vous recommande celui-là? Parce que Cheikh Al-Uthaymin, bien sûr, s'il fait le charh, il reprend les paroles aussi de Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. C'est un livre très complet et magnifique concernant ici Sahih al-Bukhari. Il y a bien sûr concernant Muslim, le livre très connu, qui je pense pas qu'il est en français aussi, c'est le charh de Sahih Muslim de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Livre très connu de l'imam al-Nawawi, il a fait le charh de Sahih Muslim. Wadih. Parmi Kutub al-Sitta, bien sûr, ceux qui en français, je sais pas si sont traduits tous, hein, mais en tout cas en arabe, Sunan de An-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud et le Bukhari ou Muslim. D'accord? Donc, d'essayer de se les procurer. Et ici, il y en a qui sont muhaqqaq, bien sûr, vérifiés. Vous allez vous voir ici beaucoup de kutub qui sont vérifiés en général. Soit c'est Cheikh Al-Albani qui a fait, parmi les mu'assirin, directement lui, le tahqiq, la vérification, ou bien, faut pas croire que dès que vous voyez une vérification de Cheikh Al-Albani, ici que c'est lui qui a vérifié le livre en lui-même. C'est des gens qui ont fait un effort et qui ont repris les paroles de Cheikh Al-Albani concernant ce livre-là et qu'ils ont placé là. Il y a une différence entre quand c'est lui qui a fait la vérification, par exemple, comme dans Sahih Targhib wa Tarhib de l'imam al-Mundhir, rahimahullah ta'ala al-Muhaddith. Là, d'accord, on dit Sahih al-Targhib wa Tarhib. Wadih. Donc, les 6 livres, Sunan, ici, An-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud, Bukhari wa Muslim, d'accord, Kutub al-Sitta. Ça, c'est quelque chose d'impératif aussi à voir. Ils sont en arabe. Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est un trésor. Da'if al-Jami' de Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est un trésor. Silsilatu Sahiha de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, c'est un trésor. Donc ces livres-là, ça, ils sont qu'en arabe. Et ils ont été classés, par exemple, Sahih Al-Jami' par rapport aux lettres. Ça a été très bien classé, c'est des livres très accessibles. Ils vont mettre Alif, le Ba, le Ta et Ba, ils vont mettre tous les hadiths qui commencent par Ba, il a akhiri. Donc pour faciliter la recherche. Et ils donnent ici, à chaque fois, bien sûr, Cheikh Al-Albani, il dit, est-ce qu'il est Hassan, est-ce qu'il est jugé bon, est-ce qu'il est jugé authentique, Sahih, il a akhiri. واضح. Donc se procurer ça pour ceux qui ont l'arabe, Sahih al-Jami' et Da'if al-Jami' ala al-Aql, au moins ça, au moins pour faire des vérifications dans cela, déjà ça va t'aider. Ensuite il y a Silsilatu Sahiha ila akhiri concernant Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Sahih Targhib wa Tarhib, c'est un trésor. Et Allahu a'lam, est-ce qu'il faisait, parce que moi quand je parlais avec eux dans l'édition al-Hadith, il devait le faire, et j'avais trouvé étonnant que personne ne l'ait revérifié, parce qu'une fois il l'avait sorti, donc c'est le livre, il l'avait sorti en traduction française, mais les traductions ici, ils étaient vraiment, dans beaucoup d'ahadith, vraiment mauvaises. Vraiment mauvaises. Moi je l'avais chez moi, je l'avais depuis très longtemps en français, c'était vraiment mauvais, et je pense qu'ils l'ont terminé, ou qu'ils devaient le terminer, sommaire des recommandations et avertissements de l'imam al-Mundhir. D'accord? Et en arabe, il y a Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a vérifié quasiment tous les hadiths. Il y a des hadiths qui ne sont pas prononcés dessus. Lakin, ça, c'est un trésor aussi. الأربعين النووية d'accord très connu qui est en français et en arabe et en arabe en français je sais pas si de grands savants ils ont fait la traduction si vous trouvez tant mieux et en arabe ici il y a beaucoup de savants qui ont fait la traduction parmi les contemporains Cheikh Al-Uthaymeen Cheikh Salih Al-Fawzan l'akhiri beaucoup beaucoup de savants contemporains même plus anciens l'ont fait d'accord traduction de l'imam An-Nawawi Al-Arba'in An-Nawawiyya ça c'est concernant les hadiths Al-Fiqh la jurisprudence la jurisprudence il y a plein de livres lakin tous ces livres là moi je vous dis hein, ça c'est des bases pour par exemple, quand tu vas faire, quelqu'un va t'expliquer, ou alors quand tu vas assister à un cours, au moins t'as un support pour vérifier, pour recopier les hadiths. Mais si tu crois que si t'as que la bibliothèque tout seul, tu vas apprendre, tu peux continuer toujours à lire. Et tu vas voir que, rompama, tu vas patauger, tu vas même pas avancer. Mais ça, c'est des bases, des références, ou alors pour vérifier des informations, pour, si toi t'as la capacité, t'as compris la chose, t'as étudié ou t'as écouté à travers des savants, un charh, tu reviens, il a akhiré. D'accord? Mais il faut pas compter que sur le livre en soi-même. Revenez toujours aux explications de Ahlul Ilm, Al-Mutahakriqina Bil-Ilmi, Al-Shar'i. Al-Mu'im, concernant Al-Fiqh, il y a le livre Boulour Al-Maram, très connu, et celui qu'on est en train d'étudier, et je prends particulièrement l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen, Rahimahullah Ta'ala, et je reviens toujours à quoi? Aux quatre grandes écoles. Je prends pas que l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen, Rahimahullah Ta'ala, dans Boulour Al-Maram. C'est pour ça qu'elle fois, Cheikh Salih Al-Fawzan a dit, Cheikh Al-Albani, Rahimahullah Ta'ala, dit, l'imam Malik, Al-Shafi, Ahmed, et j'essaie toujours en introduction des chapitres de dire les paroles des quatre grandes écoles. Ça, c'est important dans le fiqh quand tu étudies Al-Fiqh. Sans rentrer trop dans les détails, sans compliquer les choses aux gens qui écoutent. Clair? Boulour Al-Maram, il y a le Sharh qui est très connu, Subul Salam, de l'imam As-San'ani, rahimahullah ta'ala. Ça, c'est en arabe. Celui qui peut se le procurer, c'est quelque chose de bien. Wadih. Boulour al-Maram, il vient de sortir une traduction, approximative du Sharh. Allahu a'lam, c'est que de Cheikh Al-Uthaymeen, ou alors il y a plusieurs, c'est l'édition Al-Hadith aussi. Ils ont sorti, je crois, 3 ou 4 tomes sur Boulour al-Maram. C'est pas, faut pas croire que c'est l'explication complète, hein. Parce que si vous regardez juste Boulour al-Maram, le Sharh de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, c'est des tomes. C'est des livres et des livres. Donc là, ils en ont fait 3 ou 4. Ils ont pris des paroles de Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Al-Rashi, etc., Cheikh Al-Albani, sur certains sujets. Ça, c'est un bon support. Il est en français aussi, édition Al-Hadith. Al-Wajiz, d'accord, du Cheikh Abdel Azim ibn Badawi, rahimahullah, hafidhahullah ta'ala. D'accord? Donc Al-Wajiz, ça c'est un livre, très important et qui est une référence. Pourquoi? Parce qu'il a simplifié vraiment les sujets dans la jurisprudence. Et c'est bien de prendre un charh concernant ce livre-là aussi. Lakin, ici, il y a beaucoup de savants, ici, arabes contemporains, qui ont fait l'explication, parce que lui-même, c'est un contemporain. Et si c'est un livre, ici, qui est conseillé, ils l'ont sorti en traduction en français. D'accord? Il n'y a pas d'explication, je pense pas, en français. Lakin, en arabe, ici, il y a beaucoup d'explications. Inch'Allah, quand on finira Boulour al-Maram, on reprendra Al-Wajiz en arabe et en traduction française avec l'explication, bi'idnillah azza wa jal, connue par Al-Wajiz, fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. C'est ça le nom de Al-Sheikh Abd al-Azim ibn Badawi, hafidhahullah ta'ala. Il y a ici Al-Fiqhu ala al-Madahib al-Arba'a. Ça, c'est un livre indispensable dans la bibliothèque de l'étudiant en sciences, c'est-à-dire, c'est un livre de fiqh, mais qui rapporte quoi? Les paroles des quatre grandes écoles. L'imam Malik, Shafi'i, Ahmad, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad. Ici, concernant les avis juridiques. D'accord? Et ça, en arabe, il est que en arabe, je pense pas qu'il est en français, il est que en arabe. Ça, c'est bien, celui qui veut se pencher ou vérifier quelquefois des informations. Qu'est-ce qu'on dit, les quatre grandes écoles sur tel sujet, etc., tel mas'ala. Et il peut revenir sur ça. Et ça, il est en langue arabe. Wadih? Et ça, c'est un livre important à voir. Il y a Al-Mughni dans le fiqh de Al-Maqdisi, qui est là. Inch'Allah, décoration. Et ici, Al-Mughni, c'est un livre assez complexe, et on commence pas par ces livres-là complexes quand on commence. On commence par des livres que recommandent les savants. Boulour al-Maram, il a akhiri. C'est-à-dire, c'est un concentré de hadith dans les sujets. Ensuite, il y a des explications données par les savants, mais c'est un livre extrêmement important aussi. Celui qui veut approfondir, mais il n'est pas en français, wallahu a'lam. Concernant, ici, Al-Tafsir, il y a le Tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, tafsir al-Qur'an al-Azim, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Concernant le tafsir, je pense encore, édition al-Hadith, est-ce qu'ils l'ont sorti ou pas? C'est-à-dire, une nouvelle version, ils devaient en sortir un, je pense. En tout cas, l'ancienne version, moi personnellement, la traduction, elle est, laisse à désirer, c'est-à-dire, quelquefois, ils emploient des mots, assez complexes, et qui, quelquefois, concernant le sens, il y a des choses à dire à la kulli hal. Ici, bien sûr, concernant tafsir aussi, ce n'est pas un jeu. Il faut obligatoirement avoir, en tout cas celui qui veut faire des recherches vraiment pointues, avoir la référence en arabe. Ça, c'est indispensable. Donc ce tafsir-là, ils ont sorti un tafsir d'Ibn Kathir avec ici des paroles générales de beaucoup de savants, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, Ali Sheikh, Cheikh Al-Albani, sur beaucoup de versets coraniques. Et ça, c'est de Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Et ici, moi, celui que j'ai, c'est dans Darul Athar. Celui-là, Darul Athar, cette édition, c'est un tafsir en arabe. Et vous allez trouver non seulement l'explication de Cheikh Ibn Kathir, tab'an, et ici, plus détaillé, bien sûr, hein, en traduction française, c'est un concentré, hein, c'est pas le tafsir d'Ibn Kathir complet. Et ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de paroles de Cheikh Al-Uthaymin, et surtout Cheikh Al-Albani, sur des hadiths qu'il a utilisés, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, et qui sont connus pour être faibles, d'accord, par plus d'un muhaddith. Et là, vous voyez, il y a le tahqiq de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qu'ils ont repris pour ce livre-là, et des paroles de Cheikh Al-Uthaymin, ila akhiri. Wadih? Il y a des ta'liqat amma de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il y a un tafsir aussi qui est très bien, et qui est recommandé aussi. C'est le tafsir du Tunisien, qui connaissait très bien le français, et qui avait étudié le français, et qui est parmi les contemporains, qui s'appelle Ibn Ashur. Et d'accord, et lui, il a fait un tafsir ici qui est une référence aussi, et c'est bien de l'avoir, inshallah ta'ala, chez soi, celui qui peut se permettre de le prendre aussi, en plus de tafsir Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Celui qui veut avoir le minimum et faciliter dans son apprentissage par cœur du Coran et revenir dans un tafsir au fur et à mesure, il prend le tafsir de Cheikh Sa'di, parmi les contemporains, rahimahullah ta'ala. C'est un tafsir accessible pour les débutants et les plus avancés, et qui est très bien fait, inshallah ta'ala, et que les gens de science, ahlul ilm, recommandent à l'étudiant en science et même aux débutants comme moi. Et donc ici, il y a aussi un livre introduction au fondement de l'exégèse du Coran. Il y en a plein concernant usul al-tafsir, et un charh de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala qui est excellent sur cela. Et ici, je dis celui-là d'Ibn Taymiyyah parce qu'il est traduit en français. Et même en traduction française, vous allez bénéficier beaucoup et prendre beaucoup de bénéfices, inshallah ta'ala, de cette introduction au fondement usul al-tafsir, au fondement de l'exégèse du Coran. Concernant la sira, la biographie du prophète alayhi salatu wa salam, il y a le livre Zadul Ma'ad. D'après mes connaissances, wallahu a'lam, je suis pas penché trop, mais je sais qu'il y a une traduction, mais c'est un récapitulatif, hein, qui avait été fait, si mes souvenirs sont bons, par le Cheikh Al-Allama Abdel Wahhab, et qu'ils avaient retraduit, mais c'est un résumé, hein, c'est pas le complet. Zadul Ma'ad ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Claire, fi hadi khayri al-ibad, c'est-à-dire Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est un livre de référence. Claire? Donc celui-là, prenez Zadul Ma'ad en français si vous voulez le résumer, mais c'est mieux de l'avoir bien sûr en arabe pour ceux qui sont arabophones et qui savent lire, pour revenir dans les détails dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. En français, la biographie du prophète, prenez le Nectar Cacheté. Il est très connu, recommandé, c'est un livre clair, et il n'y a pas un livre qui est, hein, qui est, comment on appelle ça, comment on dit ça, qui est préservé de l'erreur. Dans tout livre, comme disent les savants, tu vas sûrement trouver une erreur. Je parle des savants, ils vont dire elle a une erreur, ou un hadith faible, ou un ila akhiri. Ça, c'est des livres qui sont recommandés par Ahlul Ilm. Et moi, je vous recommande un livre, ça, je pense pas qu'il est traduit en français, mais ça serait bien qu'il le traduise en français. Subul Salam fi Sahihi Sirati Khayri al-Anam. Et c'est ce livre-là que j'ai pris comme référence pour faire la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. De, ici, Cheikh Salih ibn Taha Abdel Wahid. Ici, c'est un livre excellent, et ça, c'était des khutab de Jumu'ah qu'il a fait du début jusqu'à la fin sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam, avec les ahadith vérifiés. Et donc ça, c'est un livre excellent qui n'est pas du tout lourd, très accessible sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Subulus salam in sahih sirati khayri al-anam. Wadih, pour terminer ici, sur les salafs, sur les savants, les pieux prédécesseurs, les compagnons, il a akhiri, il y a un livre qui est, mashallah aussi, qui est très bien, Siyaru A'lam al-Nubala. D'accord? Ce livre-là, je vous dis de prendre le complet. Et ici, il y a plusieurs tomes, il y a plusieurs versions. Ça, c'est de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala. Celui qui veut approfondir ses connaissances, ça, c'est impératif de l'avoir sur support internet ou alors directement chez lui. Ici, ça, c'est un livre important à avoir, bien sûr. Il y a des livres, bien sûr, qui sont accessibles, qui sont pas du tout chers, qui sont à 3€, 10€. Il y a d'autres livres qui sont à 100€. Il y a d'autres livres qui sont à 200€. Il y a d'autres livres, ça dépend. Lakin, moi, je vous donne juste pour avoir une petite base. Je rentre pas dans les détails, hein. D'autres livres qui concernent l'attendrissement du cœur, je vous recommande les livres d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, comme Madarij al-Salikin, I'lam al-Muwaqqi'in, d'accord, An Rabbi al-Alamin, ça c'est un livre de Ibn al-Qayyim. Comme il y a beaucoup de livres concernant ici Ibn al-Qayyim qui sont des perles, qui sont des trésors. Très peu sont traduits en français, mais rentrez dans les livres d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il y en a qui sont complexes, il y en a qui sont très accessibles et très compréhensibles, et ça, vous allez voir, vous allez profiter énormément dans le comportement, dans la spiritualité, dans zuhd ila akhiri. Et ça, c'est des livres extrêmement importants à avoir d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. À part ça, il y a des centaines de livres. Tu vas voir un livre sur le bienfait, le bon comportement envers les parents, sur la tombe, sur... Ça, c'est des livres en plus. Mais ça, je vous dis une petite base pour avoir un peu des livres sur un peu tous les sujets. Et ensuite, à côté, à vous de faire les recherches au fur et à mesure et de prendre « Aqwal al-ulama » concernant les explications de ces livres-là. « Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam » أسأله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في القول و... أطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور أطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور أطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته